Vous le savez, toute cette semaine, France Culture vous propose un grand nombre d'émissions sur les explorateurs. C'est aussi le cas de La Fabrique, avec des documentaires sur ce thème à écouter ou réécouter. L'exploration provient souvent d'un désir inassouvi de connaissances et de découvertes. C'est d'autant plus le cas quand le sujet de ce désir a été longtemps interdit. Comme pour la Mongolie, fermée à la plupart des visiteurs étrangers et vers laquelle se précipitèrent dès 1990 des touristes inspirés par un texte du XIIIe siècle. Voyage en Mongolie, Le Moine, Les Cavaliers et Le Soviet, un documentaire d'Anaïs Quien et Anne Fleury avec les témoignages de Benoît Gaillet, Patrick Alix, Felipe Martinez, Bertrand Langlois, Michel Jean, François Jackson, Alain Déjac et Jacques Chable jusqu'à 10h dans La Fabrique de l'Histoire ce matin. Des fois, bon, c'est un peu la loterie le matin. Soit on a un bon cheval, soit on a un cheval qui ne veut pas avancer. Alors là... on est un peu sur axe toute la journée. On dit, ah, tchou, tchou, tchou, avance, avance. Et puis voilà, il ne veut pas avancer. La steppe, c'est d'abord... c'est jamais silencieux. La steppe, c'est au minimum une sorte de zéphyr, un petit vent qui traverse tout le temps, qui est là, qui est en mouvement. Une espèce de bourdon continu comme ça, avec des intensités variables, je dirais. Voyage en Mongolie, Le Moine, Les Cavaliers et Le Soviet. Et Oulan-Bator, il n'y a pratiquement aucune voiture. On voit des voitures russes, des voyageurs, des gros camions bleus. Et on voit beaucoup de, même du bétail qui se promène. En 90, on pouvait aussi voir sur des 4x4 de marque russe des autocollants Toyota. Et puis maintenant, ils en ont des vrais Toyota. Ils sont une poignée de Français qui s'apprêtent à traverser la steppe mongole à cheval. Nous sommes en 1990 et l'URSS qui s'effondre relâche sa tutelle sur ses républiques satellites. La Mongolie doit s'inventer une nouvelle place au monde entre les deux géants qui l'entourent sur la carte, la Chine et la Russie, et le marché capitaliste qui convoite ses précieux sous-sols. À la manière des grands voyages scientifiques du 19e siècle, nos cavaliers partent avec leurs appareils photos, leurs carnets et leurs barres de céréales pour observer ces paysages interdits depuis les années 20. Si l'ouverture du bloc de l'Est permet cette expédition, tout commence avec la découverte d'un texte adressé à Saint-Louis au XIIIe siècle. Quand nous commençâmes d'entrer parmi ces peuples barbares, il me fut avis que j'arrivais en un autre monde. Ils nous environnèrent tous à cheval, après qu'ils nous eurent fait attendre longtemps, pendant qu'ils étaient assis à l'ombre de leur chariot noir. La première chose qu'ils nous demandèrent fut si nous n'avions jamais été parmi eux. Benoît Gaillet. Cet ouvrage, découvert en premier lieu par mon ami Pierre Létan, a suscité en nous l'idée de partir à deux dans cette steppe mongole qui nous inspirait sans doute pour faire de la photographie. Et qu'est-ce que c'est que ce livre ? Alors cet ouvrage, en fait, c'est un ouvrage qui raconte l'épopée de Guillaume de Rubruck, qui était un moine franciscain qui, au XIIIe siècle, est parti de Constantinople porter des messages de paix aux Mongols. Il était l'envoyé du roi Saint-Louis. C'était pas une mission d'ambassadeur au sens où on l'entend, mais c'était véritablement une rencontre vers les peuples tatars. Il avait eu connaissance également de la présence de chrétiens nestoriens et il a donc décidé de partir, faire ce long voyage qui a duré un an à l'aller, plus la période où il a pu accéder jusqu'à la cour du Khan Mangou, qui était le grand Khan de l'époque. Et il a mis 2 ans pour faire son périple, à pied, mais aussi beaucoup à cheval. Et donc, quand Rubruck est rentré de ce long périple, il a écrit une lettre à son roi Saint-Louis, une lettre de 166 pages, je crois. Et donc, cette lettre, heureusement, a été retrouvée. Et c'est cette lettre qui a été traduite et commentée par Claude et René Capeler, qui sont des historiens, des médiévistes, et qui a permis donc l'édition de cet ouvrage, qui est tombé entre les mains de Pierre Létan. Et c'est de là qu'est né le projet. Mais c'était sans compter mon esprit un peu aventurier et de lui indiquer que partir à deux, c'était sans doute très intéressant, mais qu'il y avait sans doute peut-être mieux à faire. Et j'ai souhaité, un peu dans l'esprit des grandes expéditions comme la Croisière Jaune, monter une véritable expédition franco-mongole à la découverte des paysages que Rubruck avait découvert en son temps. Alors François Jackson, avant même cette histoire de voyage sur les traces de Rubruck, vous êtes déjà en Mongolie ? J'y étais depuis 8 ou 10 mois, je pense. Pour un écheveau de raisons assez simples à expliquer, mais un peu pittoresques. C'est-à-dire qu'au départ, je cherchais des flèches sifflantes. Il y avait un échange entre la France et la Mongolie, un échange statutaire entre les deux républiques, qui faisait que chaque année, la France recevait 3 Mongols. En revanche, les autorités françaises avaient beaucoup de mal à trouver 3 Français qui veuillent bien aller pendant un an en Mongolie. Ce qui fait que je suis arrivé en Mongolie absolument pas préparé pour rien. Je ne savais rien. Je ne savais pas le mongol, et pire encore, du moins à l'époque, je ne savais pas le russe. Et le séjour en Mongolie a été assez difficile, je dois vous dire. C'était assez dur. Hein. La situation des étrangers était très très surveillée. Hein. Il y en avait très peu. On pouvait aller dans Oulan-Bator facilement partout, à peu près. Mais aller au-delà, c'était plus difficile. Vous arrivez à quel moment ? Eh bien, c'était juste avant la chute du mur de Berlin. C'était en 89, et j'ai donc vécu en Mongolie tous les événements du changement de régime. La transition politique en Mongolie s'est accompagnée de pas mal de remue-ménages, mais enfin, c'était assez tranquille tout de même. La place centrale de Oulan-Bator était occupée par des grévistes. Alors, il y avait environ 20 grévistes, ou des gens qui faisaient la grève de la faim, essentiellement des moines, et puis quelques autres. Et tout ça était assez tranquille. Les mères venaient avec leurs berceaux en poussant leurs bébés. C'était assez calme. La raison de ce voyage, Guillaume de Rubruck, la traduction de René et Claire Capeler, je l'ai lu qu'après. Felipe Martinez. En fait, j'étais un petit peu indiscipliné, quoi, parce que tout ce voyage se fait autour de ce personnage, finalement. Et moi, dans ma difficulté, c'était plus l'idée de rencontrer un territoire d'aujourd'hui, puisque je suis photographe, donc confronté à l'enregistrement du réel. Et je ne pouvais pas m'extraire de ça, quoi. Comment avez-vous choisi les membres de cette équipée, puisque vous êtes une douzaine de Français ? Ça s'est fait d'une manière un peu, comment dirais-je, hétéroclite. Enfin, on avait conscience qu'il fallait que cette expédition puisse se monter avec des spécialistes. Après, on avait besoin d'un responsable logistique, on avait besoin d'un médecin. Mais notre grande satisfaction, ça a été surtout de pouvoir accueillir au sein de l'expédition René Capeler, parce qu'on l'avait contacté pour l'informer de ce projet que nous avions de partir sur les traces de Rubruck grâce à l'ouvrage qu'il avait traduit en son temps. Et notre surprise fut énorme quand il nous a dit « mais moi j'aimerais bien faire partie d'expédition ». Donc d'un seul coup, on a atteint un niveau d'un projet un peu amical sur un projet plus structuré, voilà, avec un fond, des contenus, etc. Et vous, Alain Déjac, qui êtes-vous en 1990 ? Avant même de participer à ce projet-là, vous avez déjà un rapport avec la Mongolie. Oui, j'avais déjà publié un certain nombre de choses sur la musique mongole. Donc c'est comme ça qu'ils ont pu me trouver. Et de 1983 à 1986, j'étais étudiant en langue mongole et en musique mongole à Oulan-Bator. Enfin, après, ça a été des allers-retours sans cesse avec la Mongolie jusqu'en 1990. où l'équipe m'a contacté et j'ai trouvé ce projet-là complètement fabuleux. Pour l'idée de faire ces 1500 km en un mois à cheval, ça me paraissait intéressant. Alors avec le Nagra sur le dos quand même, pas le Nagra numérique, léger et tout, qui va bien maintenant, mais le Nagra, le 4S, avec les bandes magnétiques, avec le stock de bandes et de piles. Parce que les piles, je crois qu'il n'y en a pas 14, 12 ou 14, je ne m'en souviens plus. Enfin, on va dire que donc, tout ça, c'était un peu lourd, tout ça. Enfin bon, c'était assez intéressant de le faire vraiment comme cela. Donc je peux dire que, effectivement, j'ai fait du terrain, là. C'était assez intéressant. C'est-à-dire que l'expédition, quand on voit leur programme, c'était une expédition quand même scientifique. L'idée, c'est de... On partait de l'ouest de la Mongolie, à la frontière ouest de la Mongolie, jusqu'à Karakorum, l'ancienne capitale des Mongols, à la recherche de Guillaume de Rubruck, sur ce parcours qu'aurait fait, supposé Guillaume de Rubruck. Donc il y a une sorte de dimension spirituelle. Moi, je trouvais ça assez intéressant, parce que la steppe, de toute façon, quand vous êtes dans la steppe, dans l'immensité des steppes, forcément, vous êtes dans une dimension spirituelle. C'est quand même des terres qui ont inspiré le chamanisme, etc. Donc forcément, les esprits, le vent, etc., tout ça, vous pouvez pas rester indifférent par rapport à tout ça. Donc il y avait cette idée-là, et puis l'idée que, avec cette équipe de scientifiques, vous avez des spécialistes du cheval, par exemple, vous avez Bertrand Langlois, qui était le spécialiste du cheval à l'INRA, de la génétique du cheval, etc. Vous aviez des spécialistes photographes, René Capler, qui était le traducteur. Il y avait un linguiste, François Jacquesson. Et puis il y avait l'équipe, là, ce qu'on oublie, c'est l'équipe mongole, qui était constituée de géographes, de spécialistes aussi de l'élevage, du nomadisme, etc. Donc il y avait une sorte de coopération franco-mongole, avec des objectifs de production. Michel Jean, un écrivain qui a aussi écrit un livre à l'issue de ce voyage-là. Où travaillez-vous à ce moment-là? Qui êtes-vous en 1990, Michel Jean? En 1990, j'étais en France, mais j'avais passé pas mal d'années, surtout en Chine. Mais j'avais voyagé non seulement en Chine, mais en Mongolie, en Sibérie, en Extrême-Orient soviétique puis russe. J'étais attaché de l'air à Pékin, de 1970 à 1973, et ensuite, dans différentes fonctions, puisque j'avais quitté l'armée, je représentais une banque et de nombreuses sociétés à Pékin de 1983 à 1988. Et c'est sans doute cette connaissance qui les a intéressés. J'étais allé à plusieurs reprises en Mongolie, j'avais traversé en train, mais c'était à des époques durant lesquelles ces régions était réellement fermée, quasiment interdite. Et le peu que j'avais fait, c'était en fait des courts séjours à Oulan-Bator, mais je ne pouvais pas aller au-delà. Et j'avais donc envie, puisque l'occasion semblait intéressante, d'aller bien au-delà et d'aller dans le cœur de la Mongolie qui m'avait échappé. En particulier, voir comment un pays communiste pouvait évoluer dans cette campagne de Glasnost de Perestroïka, qui avait couvert l'ensemble de ces pays, de la Baltique jusqu'à ces régions. D'autant plus que, en 1989, en Chine, il y avait eu un renversement qui avait mis un terme à tous les espoirs d'ouverture. Là, au contraire, ça avait été une reprise en main du Parti communiste chinois. Et on pouvait s'attendre à ce que la situation bascule d'un côté ou de l'autre. Mais en Mongolie, c'est pas ce qui s'est passé. Les Mongols étaient très heureux de voir apparaître des étrangers qui voulaient faire des choses avec leur pays. François Jacquesson. Ils trouvaient ça doublement rigolo. Doublement parce que, d'une part, enfin, des gens s'intéressaient à leur pays. Il n'y en avait pas tellement. Et d'autre part, c'était à cheval. Alors ça les séduisait beaucoup. Les Mongols se déplaçaient surtout en camion, parce que c'était ça qui était moderne. Le faire avec ces étrangers, c'était amusant, je pense, pour eux. Ils trouvaient ça à la fois flatteur, en même temps curieux de voir ces étrangers qui ne savaient pas monter à cheval faire semblant de faire du cheval mongol. Et d'autre part, c'était quand même pour eux une occasion de voir comment se comportaient des étrangers. Il y avait à la fois l'attrait économique de l'affaire, l'attrait culturel vu par un certain type de Mongol, et pour les gens du ministère des Affaires étrangères, une sorte de surprise intéressante. Les deux premières semaines ont été difficiles, Mais pour moi, après, j'avais l'impression d'être comme un cow-boy Jacques Chab. Aux États-Unis, quoi, là. Vraiment de cavaler, de courir, puisque comme on était 20, donc 10 Français, 10 Mongols, et il y avait 40 chevaux. Donc on poussait constamment un troupeau de 20 chevaux, et ça c'était extraordinaire, quoi. Et très vite, oui, 2-3 semaines, voilà, j'avais l'impression de monter à cheval, comme si j'avais toujours fait du cheval, à pousser le troupeau, et ça c'est super. Après notre première étape, Felipe Martinez, on est accueilli par des éleveurs de chameaux. Et on était dans un paysage complètement merveilleux, avec cette idée qu'on est posé sur le globe. On était nulle part, on était, je sais pas, c'est près d'une petite rivière. Et puis là, le soir, moi, je peux pas dormir. Impossible de dormir. Je suis fatigué, mais je peux pas dormir. Dans un silence absolu. Puis vers minuit, j'entends une femme chanter. Et le chant tourne. Mais c'était un chant très lointain. Et le lendemain matin, j'ai posé la question. Personne n'avait entendu ce chant. Alors je me demandais si c'est pas la fatigue qui agissait sur moi. Mais on m'a dit, c'est cette femme là-bas qui, tous les soirs, monte sur son cheval et fait un immense cercle. C'est une barrière sonore. Donc déjà, penser ça, ça fait réfléchir quand même. Moi, je savais ce que c'était qu'une randonnée, et je me disais qu'il fallait partir le plus léger possible. Bertrand Langlois. Mais, bon, il y a eu, un compromis. On avait quand même un camion, ce qui amenait quand même un certain confort. Et puis, si on avait dû partir uniquement à cheval, façon traditionnelle, avec ce qu'on portait sur soi, il fallait vivre sur le terrain. Donc il fallait quand même parfaire nos connaissances du mongol. Et l'équipement que vous aviez préparé en France était-il adapté finalement à la réalité que vous rencontrez en arrivant en Mongolie ? Alors là, il y a un problème que j'estime presque historique. Parce qu'un cheval, ça s'entretient correctement. Et normalement, ça se muscle, mais ça ne maigrit pas. Ce que tous les peuples, j'allais dire sauvages, mais il ne faut pas bannir ce terme-là, mais tous les cavaliers sauvages savent, c'est que les chevaux maigrissent en voyage et que leur épine dorsale finit par saillir. Il faut donc une selle qui a un passage de garrot énorme. Donc la selle arabe, la selle mongole, vous montre des arches de 20-30 cm. Pour ne pas reposer directement voilà, sur l'épine dorsale. C'est-à-dire que la selle peut redescendre à mesure que le cheval maigrit, mais ne blesse pas les chevaux. Vous arrivez avec quel type de selle, du coup, en Mongolie, en 1980? Alors, nous, on arrive avec de superbes selles françaises, peu dégarrotées, mais superbement légères, faites pour la randonnée, mais quand même pas faites pour maigrir. Ce qui nous a été reproché beaucoup par les Mongols. Et les Mongols nous disant que leur selle avait une histoire très très ancienne, d'une façon très asiatique de nous dire que c'était pas adapté notre truc. Oui. Et alors, à quoi ressemble une journée de ce voyage à cheval ? Tout sauf comme ce qu'on a imaginé, c'est-à-dire que avec notre esprit sans doute pratique, Benoît Gaillet, on avait imaginé que le matin on puisse partir, se lever pas trop tard, équiper les chevaux et partir au plus tard à 9h du matin à la fraîche, et ça se passait jamais comme ça. D'abord parce que tous les soirs quand on avait fait notre chevauchée, on remettait les chevaux en semi-liberté tout autour du campement. Et le matin, il fallait pratiquement une heure et demie, deux heures pour récupérer les chevaux et les harnacher, etc. Et ça, seuls les Mongols le faisaient, parce qu'ils ne nous autorisaient pas à le faire, considérant qu'on était de piètres cavaliers, ce qui est vrai d'ailleurs, à part peut-être un ou deux dans l'équipe, mais voilà. Et donc, on passait beaucoup de temps à attendre, à regarder, à savoir quel cheval on aurait, parce qu'on ne savait jamais. On avait un ou deux chevaux qui étaient plus ou moins dédiés, selon les Mongols nous avaient jaugés, suivant notre capacité équestre, Mais c'est exactement, Rubruck parle de ça. Hein, quand il dit qu'ils nous laissaient, ils gardaient les meilleurs chevaux pour eux et ils nous laissaient les plus mauvais. Donc voilà, c'est exactement pareil. Je pense qu'à bien des égards, que ce soit à travers les pratiques équestres ou la vie nomade telle qu'on l'a vécue pendant tout ce périple, on n'était pas loin de ce que Rubruck a vécu. Là où le bénéfice de parler mongol, je l'ai pu le mesurer, c'est qu'avec les éleveurs, je leur demandais d'avoir un cheval en bleur. J'adore les chevaux en bleur. C'est les chevaux qui marchent, vous savez, avec les deux pattes latérales, c'est-à-dire l'avant et l'arrière en même temps, et pas le 1, 3, 2, 4. Hein. Parce que quand vous êtes au trot, c'est très agréable, parce qu'autrement, vous êtes très, très secoué. Donc avec eux, je m'arrangeais pour avoir un cheval en bleur qui soit... pas trop jeune, parce que, bon, avec la jeunesse, ils étaient un peu... Et pas trop vieux non plus, parce qu'il faut ils n'aiment pas beaucoup avancer. Donc, ils me trouvaient un cheval. Quelquefois, il fallait se battre avec même les Mongols pour pouvoir... Parce qu'on se battait entre eux. Non, bah, tu l'as vu, mais là, il faut qu'ils soient reposés, etc. Donc, on se battait un petit peu pour avoir les meilleurs chevaux, si vous voulez. Alors ça passait au-dessus de la tête de mes compatriotes. Ils remarquaient quand même. Hein, et certains me disaient, mais ton cheval, il marche bizarrement. Je dis, oui, c'est normal. C'est normal, il marche normalement. Il faut dire que nos chevaux également, nous n'avons pas le droit, lorsque nous arrivons, nous devons tout d'abord leur empêcher de manger. Et puis après, nous les libérons. Patrick Alix. Nous les libérons de la selle et également du harnais, du licol également, pour qu'ils puissent partir dans la nature. Et ils partent dans la nature, ils partent toute la nuit. Ce qui fait que le lendemain matin, lorsque nous devons les récupérer, c'est Dortsuren, notre éleveur de chevaux mongol, qui part avec son cheval, son ourga également, sa perche lasso, récupérer l'ensemble des chevaux. Et nous, avec notre esprit cartésien, quand nous voulions partir de bonne heure le matin pour faire une chevauchée d'une trentaine de kilomètres, eh bien, nous étions obligés d'attendre, une fois les chevaux récupérés, les Mongols mangeaient. Ils mangeaient, tranquillement, et après on partait. Et d'abord, il fallait démonter les tentes, tout ça, enfin, leurs tentes, parce que les nôtres étaient déjà démontées, et voilà. Et donc, on ne partait jamais avant 10h, 11h du matin. L'équipe qui nous encadrait, l'équipe mongole, eux, avaient une autre idée de la géographie. Il n'y a aucune route, on est face à l'horizon et on sait qu'on doit aller par là. Et donc on y va. Et puis après, on rencontre, on va forcément rencontrer des gens, on va rencontrer des gens qui ont posé la yourte quelque part et on va aller les voir. On va boire un thé, on va discuter et on va leur demander le chemin. C'est une notion qui est basée sur l'homme, enfin sur l'autre. Donc la connaissance de la géographie, elle est pas du tout sur les cartes. Et parfois c'est une perte de temps pour nous que de s'arrêter dans une yourte et de boire un thé. Et on veut pas déranger. Nous on est plutôt comme ça, on est voilà. Alors que ne pas déranger, c'est presque une offense pour eux. Donc quand on passe près d'une yourte, il faut s'arrêter. Je marchais, j'étais souvent avec Bolbatar, le pain de Bolbatar. C'est-à-dire qu'on marchait souvent en couple comme ça. Alain Déjac. Alors, vous savez, ça s'étire un petit peu selon les affinités. On se parle, on chante, etc. Donc avec Bolbatar, le peintre Bolbatar, j'apprenais des chants populaires avec lui à côté, à cheval, et puis on s'arrêtait tous les deux dans une yourte boire un grand bol d'ayrac, de lait de jument fermenté. Et quand vous buvez ça vers 4h l'après-midi, parce qu'on ne mange pas beaucoup pendant la journée, vous savez, on mange beaucoup le matin, mais on n'a pas le temps de manger le midi, on saucissonne, on va dire. On saucissonne avec de la viande séchée, un petit peu des fromages secs, etc., parce qu'on ne mange pas beaucoup quand on est en expédition. Par contre, le soir, on mange bien. Mais là, à 4 heures, quand vous buvez un bon bol d'ayrac, vous avez une force jusqu'à 9 heures, 10 heures le soir. La consommation du lait de jument fermenté est liée aussi à une pratique de chant qu'on appelle le dembe, qui est un jeu de doigts chanté, un peu du style caillou, papier, ciseaux, si vous voulez, pour nous le plus proche, mais simplement qu'il y a une hiérarchie entre les doigts, entre le pouce, le majeur, etc. etc. Et donc, il y a des petits rythmes, comme on entend ici, qui veut dire, par exemple, jouer le dembe entre temps. Trotter le dembe, si vous d'une certaine façon. Alors vous allez trop lent, trop rapide, il y a des périodes comme ça. Et donc celui qui a perdu, c'est-à-dire qui a il doit boire tout un bol d'Airac. En fait, c'est sa punition. C'est une très bonne punition, parce que tout le monde voudrait perdre, mais enfin, en même temps, ça saoule quand même à la fin. Il y a des fois, le soir, on mangeait à minuit, quoi. Quand on s'arrêtait pour manger, il fallait donc bivouaquer, mais faire le feu déjà, pour pouvoir faire chauffer le repas. Donc, chercher les argoles. Argoles, c'est d'ailleurs la bouse séchée, parce que vous n'avez pas de bois dans la steppe. Donc, il fallait ramasser les bouses séchées, faire le feu, trouver de l'eau, mais généralement, on s'arrêtait près d'un point d'eau, faire bouillir la soupe, et puis manger le grain de mouton bouilli. Hein, c'est à peu près ça. Donc, c'était pas des moments de plaisir. Hein. Il fallait bien manger, quand même. Ma tâche était quand même de faire des photos dans la steppe. Je ne pouvais pas faire des photos sur mon cheval. La façon que j'avais de travailler, c'était très contraignant, parce que travailler à la chambre, je ne pouvais pas avoir un équipement porté par mon cheval. J'avais quand même 50 kg de matériel, donc c'était impossible. Donc mon matériel était dans le camion assistance, et je le retrouvais le soir. Donc le soir, je faisais mes photos. Et le reste du temps, j'étais à cheval. Cette contrainte-là était à la fois excessive, mais merveilleuse. J'avais l'obligation de faire mes photos à une certaine heure. Voilà. Et peu importe ce qui était là. C'était synonyme de liberté, quand même. Je pouvais attendre ce moment-là tous les jours. Et tous les jours, déplier ma chambre à telle heure, quand j'étais arrivé. Mais penser la photographie de cette façon-là, dans cette période-là, ou même maintenant, c'est pas tellement synonyme de liberté, ça. Mais en même temps, c'était la mienne. Il faut dire que nos amis mongols, sur le parcours, dès qu'ils voyaient une yourte, ils nous quittaient. Ils partaient. Ils partaient dire bonjour. Ils partaient boire un petit peu d'airac, tout ça, discuter également avec les gens sur le passage. Et ils nous laissaient seuls sur le parcours. Donc, on continuait bien souvent tout seul sur la piste, nous-mêmes. Et dans mon rôle, puisque vous parliez de mon rôle, c'était également de sortir au moment voulu quelques nourritures, pour redonner un petit peu de vigueur à notre équipe. Ça a toujours été un petit peu comme ça avec les Mongols. Ils sont quand même chez eux. Hein. On ne peut pas leur imposer un temps qui n'est pas le nôtre. Simplement leur faire sentir que c'est un petit peu différent pour nous. Mais d'aller à cheval jusqu'à une minuit, ça ne les dérangeait pas du tout. Hein. Ils le font en voiture aussi, hein, c'est pareil. Hein. Ils démarrent à 11h du matin, mais à minuit, on est encore sur les pistes. Hein. Surtout l'été, parce qu'il fait bon, parce qu'il se repère encore. Il y a une très belle luminosité de la lune. En pleine lune, vous y voyez clair quand même. Hein, la nuit, c'est assez étonnant. Donc, pourquoi pas en profiter. C'est aussi la façon de sortir de ces périodes d'hiver où on est un peu colfeutré chez soi. Donc, pouvoir profiter de la vie en plein air le plus tard possible dans la journée et dans la nuit, pourquoi pas. C'est aussi ça, hein, cette idée un peu de liberté, d'une certaine façon. Mais autrement, moi, je les ai trouvés très présents, nos amis mongols, dans cette expédition à cheval. Ils faisaient très attention à nous. Ils voulaient que tout se passe bien, au point où ils en ont oublié eux-mêmes, je pense, un peu leurs préoccupations scientifiques, de recherche scientifique. Alors que nous, on était un peu plus dégagés de ça, du cheval, pour pouvoir penser un petit peu. Parce que nous, on avait aussi des objectifs qui n'étaient pas les leurs. On avait une feuille de route. Il fallait qu'on produise quelque chose. C'était marqué dans le... Il fallait rendre compte à tous nos sponsors de ce qu'on faisait, puisqu'on leur avait promis, entre guillemets, qu'on allait faire ci, qu'on allait faire ça. Donc, il fallait être à la hauteur de ça. Donc, on avait des objectifs qui dépassaient simplement la promenade à cheval sur 1200 km ou 1500 km. Dans l'air que les Mongols n'avaient pas ces objectifs-là, ils n'étaient pas sponsorisés, etc. Nous, on apportait un peu la masse financière pour tout ça, pour pouvoir gérer ça, mais pas plus pour eux. Ils n'avaient pas trop d'objectifs comme ça. Donc ça, c'est... Felipe Martinez. Ça, c'est 1990, et c'est le portrait d'un cavalier, donc Bolbator. Ce vêtement-là, c'est le Del. Voilà. Ouais. Donc là, on a l'ouverture qui permet de mettre des tas de choses à l'intérieur. Donc c'est pas une poche, mais après, il suffit de serrer correctement sa ceinture en soie. Donc on a pas, la première fois que je vois des Mongols en tenue comme ça, traditionnelle, on a l'impression qu'ils ont tous des gros ventres. Mais non, ils ont tout. Ils ont tous les instruments qu'il faut pour vivre à l'intérieur, quoi. Et chacun avait un cavalier mongol qui était en quelque sorte son double, quoi. Enfin, pour moi, c'est Bolbator qui s'occupait de moi. Bolbator, c'était le peintre, l'artiste mongol, celui qui faisait des images. Et quelle était votre langue d'échange ? Alors avec Bolbator, pour moi, c'était les gestes. Essentiellement des gestes, des signes de la tête. Avec Bolbator, il n'y a presque pas besoin de parler, quoi. Et je dis ça parce que je le revois, Bolbator, et on continue à ne pas parler. Et aujourd'hui, oui. C'est quelqu'un qui, même étant un citadin, parce que finalement, moi, je le découvre en 90, mais c'est un vrai citadin, quoi. Mais c'est quelqu'un qui monte à cheval. Ça me fait pâlir, moi, quand je le vois. Et quand je marche à côté de lui, sur mon cheval, il regarde comment sont mes pieds, il me fait des petits signes, il me dit comment je dois être. Et puis, il est très encourageant. Et puis en même temps, il a envie d'être tellement meilleur qu'il a envie de me montrer que je ne pourrais jamais atteindre son niveau. Donc il va marcher au trot. Et puis dans son del, il ouvre son del et là, il prend une demi-pastèque. Et au trot, il la coupe. Il coupe une tranche. Il s'approche de moi, il me tend la tranche, toujours au trot. Et puis moi, je suis au trot et je mange la tranche de pastèque et je m'en mets partout. Et lui, il ne rigole pas, il ne se moque pas. Il se coupe une tranche et il la mange très délicatement. Et une fois qu'il a mangé sa tranche de pastèque, il jette l'écorce. Et puis il ouvre un journal qu'il déplie avec une seule main. Et toujours au trot, il fait mine de lire le journal. Donc là, c'est une leçon qu'il me donne pour me dire, bon, bah, tu peux toujours y aller. Mais bon, c'est... Moi, j'apprécie aussi quelque chose comme ça, parce que il était forcément très beau sur son cheval, quoi. Donc... En fait... Jacques Chahab. On n'avait pas tous la même philosophie de voyage. On voyageait pas tous de la même manière. Il y en avait, les photographes, les vidéastes. En fait, on avait le temps. C'est-à-dire que, oui, on voulait avoir du temps. On n'avait pas d'échéance. Et on disait, bon, bah, si jamais on arrive à Oulan-Bator et que l'avion est déjà parti, à la limite, c'est pas un problème. Enfin bon, voilà, on se posait pas ce genre de questions. Pourquoi pas rester 3 jours alors qu'on avait prévu de rester une demi-journée? C'était pas voilà, pour nous, comme ça, l'absolu, c'était pas un problème. Donc il y avait un peu ça déjà dans l'intérieur du groupe. Et puis je pense qu'il y avait surtout un problème avec Gambo, quoi. C'est un représentant du Parti communiste mongol. Il avait une sorte de mission. Il y avait deux chefs d'expédition, donc forcément il y avait aussi ce conflit entre les Mongols et un peu lui, des mini petits conflits entre Français ou entre Mongols. Voilà, c'était pas une catastrophe non plus, mais voilà. Bon, les Mongols, il y avait leur fameux Gombo qui a causé beaucoup de problèmes parce qu'il était assez, disons, soviétisant. Bertrand Langlois. Lui, il parlait très bien allemand. Et il avait été étudiant en Allemagne de l'Est. Il vous a empêché de faire des choses, ce Gombo ? On ne se rend pas toujours compte sur le moment quand vous trottez idiot. Mais je pense que oui, il a très balisé ce qu'on avait à faire et ce qu'on ne devait pas faire. Ils voulaient qu'on photographie les moissonneuses-batteuses où on avait mis, je sais pas, dans la steppe, quelques brins d'avoine à moissonner en même temps que de l'herbe, je sais pas quoi. On se demandait quel fourrage ça pouvait fournir. Et on sait que ces expériences-là, ça termine en vent de sable sur Pékin, quoi. Mais vous, personnellement, il vous a empêché de parler à des... Non, moi, vu que j'avais le contact direct, que je connaissais bien la mentalité allemande, moi, il m'avait à la bonne. Il avait pu comprendre aussi ce que je venais chercher en Mongolie. Et pour lui, j'étais clair au niveau espionnage, contre-espionnage, etc. Parce qu'ils ont toujours cette phobie d'être espionné. Ils avaient peur que l'un d'entre vous soit un espion. Que dans l'équipe, il y a pas mal d'espions. Et il y en avait ? Non, je crois pas. Il y a eu un moment, un épisode qui était un petit peu douloureux, ou d'incompréhension comme ça, mais c'était dû à des difficultés météo. Un soir, on n'a pas retrouvé notre camion assistance avec tout l'équipement pour dormir. Et on était très haut dans la montagne, donc le matin quand on était parti, il faisait très beau. Donc on était à cheval en t-shirt. Et le soir, il neigeait. On a été hébergés dans une famille, accueillis sous la yourte. Et pour nous, on allait rester là, on allait passer la nuit là sous la yourte parce qu'il faisait déjà nuit, il neigeait dehors, impossible, en tout cas très difficile de voir devant nous. Et on s'est dit, bon ben voilà, tant pis pour notre campement, on le retrouvera le lendemain, on va passer la nuit là, surtout que la famille de Mongols qui était là, ben, ils nous accueillaient volontiers. Et puis, Gambo a décidé que, niet, on reste pas là, il faut repartir. Il n'y a pas de place, on va déranger les gens. Enfin bon, il a trouvé des raisons obscures. Bon, bah finalement, on est parti. On est parti. Dans un premier temps, bon, ça allait. C'était une nouvelle expérience, voilà, de marcher la nuit dans la montagne. Et puis, au bout de je ne sais pas combien de temps, peut-être une demi-heure, une heure, l'un d'entre nous tombe de cheval. C'est Michel Jean qui est tombé de cheval. Parce que bah, on n'y voit pas grand-chose, on est sur des chemins escarpés, c'est là on descend la montagne, c'est relativement abrupt. Certes, la nuit est relativement étoilée, mais quand même, comme il a neigé, là on commence à avoir un peu peur, quoi. Puis après la peur, c'est la fatigue. Puis du coup, les Mongols nous disent, de toute façon, maintenant, il n'y a qu'une solution, c'est de marcher toute la nuit. Donc on descend de cheval et il fait trop froid, on ne peut pas rester sur place quoi qu'il arrive. Donc les Mongols, ils font comme ça. Et puis finalement, le guide qui nous accompagne sur ce parcours-là dit qu'il se souvient qu'un peu plus loin, il y a une yourte et on devrait s'abriter à ce moment-là dans une famille là-bas sous cette yourte. On finit par arriver à cet endroit, et puis la famille est partie, il n'y a plus de yourte. Par contre, les nomades laissent toujours un sac d'ergol, là, de bouse de yak, un ou deux sacs, pour, soit c'est un autre nomade qui vient s'installer par là, soit lorsque eux vont revenir, pour que dès qu'ils ont monté la yourte, tout de suite, ils ont de quoi se chauffer. Donc, on a de quoi faire un feu et on s'amasse les uns contre les autres. Et j'avoue que c'est la première fois que j'ai compris qu'est-ce que c'est que cette expression « claquer des dents ». Et puis, on a fini par s'endormir. Sur le moment, bon, c'était vraiment difficile. Mais après coup, moi je me souviens le matin, une fois qu'on a passé cette nuit-là à grelotter autour du feu, et en plus ça fume beaucoup, là, les crottes de yak, le lendemain, on s'est réveillé du coup très tôt, dans un silence absolu. Personne parlait. Et je pense qu'on a mis... on a dû mettre au moins 2 heures avant de parler, même à parler entre nous, quoi. Donc, après cette fameuse nuit, déjà, on a fait une pause dans un endroit, une sorte d'ancien camp de vacances pour les cadres russes, cadres politiques russes. On a dormi dans des cabanes en bois, des petites datchas, en fait. Dans des vrais lits. Dans des vrais lits. Et là a été programmée une sorte de réunion, de discussion, où chacun avait la possibilité de mettre sur la table ce qui allait ou ce qui allait pas. Voilà. Dans l'émission de 1993 que vous avez faite sur France Culture, on entend des enregistrements sonores. Et on entend ça, on entend une traduction. Nous demandons que des changements importants interviennent. Nous l'exigeons. J'ai jamais pensé qu'on va parler de ces choses-là, mais je voudrais bien noter quelque chose. Nous avons fait tout le possible pour vous aider à monter à cheval, pour déceler tout ça, tous ces travaux, je pense, qui concernent le cheval. Et vous êtes maintenant capable de faire tout ça comme nous le voulons. C'était à ce moment-là? Oui, c'était forcément à ce moment-là. C'était vos enregistrements, tout ça? Je pense que c'était mes enregistrements. Bertrand Langlois, vous êtes perdu dans la neige. Ah oui. Ah ben ça, c'était un bon moment. Pour moi, c'était le meilleur moment de l'expédition, parce que là, moi, ça changeait. C'était pas du trotter idiot. On voit des yaks s'ébrouer dans la neige tombante. On voyait pas à 10 mètres, mais voir arriver les yaks danser dans la neige, c'est un spectacle formidable. Et puis, bon, ben, finalement, on est redescendu, mais on s'en est sorti. Vous avez été blessé pendant ce voyage, Bertrand? Alors moi, je suis tombé à peu près à mi-parcours. J'ai reçu le matin un cheval qui bougeait beaucoup, un petit cheval pie noir, je m'en souviens quand même. Bon, bah alors je faisais attention et puis toute la journée, rien du tout. Et puis le soir, en arrivant au campement, pof, il me fait un écart. Je me tape l'épaule. Et j'avais pas de fracture, mais j'étais contusionné de partout. Je pouvais plus bouger l'épaule. Et je pouvais plus bouger du tout parce que j'avais tout le côté là. Donc le choc, il a coupé la respiration très, très violemment. Il est devenu pâle, tout blanc. Très, très inquiétant comme de voir quelqu'un comme ça tomber. Et c'est Avirmed, le géographe mongol, qui était pas loin, voyant la scène, est parti au triple galop et revenu une heure après avec un camion citerne, un camion qui récoltait le lait dans les chez les différents éleveurs. Et on a mis Bertrand Langlois dans le camion et puis on lui a dit au revoir, mais sans savoir trop si on allait le retrouver ou pas. On sentait de la part de certains organisateurs, deux ou trois, Michel Jean, une certaine hostilité à l'égard de ceux qui semblaient plus intéressés que d'autres à en savoir autre chose que la monde des chevaux. En particulier l'un d'entre nous, notre ami Jackson, parce que c'est universitaire, connaissait l'ambiance générale de la situation politique, et même avec précision, puisqu'il avait été présent. Je ne pense pas qu'il ait été actif, ou en tout cas, même s'il était présent auprès des étudiants à Oulan-Bator pendant les mois de janvier et février, qui avaient été les plus tendus, ça suffisait à le rendre suspect, au moins pour ceux qui étaient sensibles à des problèmes de sécurité. Et comme je vous l'ai dit, il y en avait. Quand il y a eu des problèmes d'organisation, inévitablement, il fallait que on trouve une bonne excuse et que l'on émette des réserves sur nos qualités, de non seulement de cavalier, ça allait jusque-là, mais ça, entre nous, c'était un peu justifié, mais également sur les tensions qu'il y avait entre certains des organisateurs notamment et nous-mêmes. Il y en a un jour vers la fin du voyage qui a dit que j'étais un espion. Peut-être c'était Gombo, je ne sais plus. François Jacquesson. C'était parfaitement comique parce que je souhaite que les véritables espions parlent le mongol au moins correctement. Mais, mais moi je ne parlais pas mongol, je savais presque rien de la Mongolie. Et donc si j'étais un espion, j'étais un très, très mauvais espion, il s'était trompé. Ça décrit quand même un climat de suspicion pas forcément très agréable dans ce type de voyage qui est aussi un huis clos à ciel ouvert, mais malgré tout qui en est un. C'était un huis clos pour les Français. C'était pas un huis clos pour les Mongols. Les Mongols disparaissaient assez souvent pour voir des copains qu'ils avaient en province. Donc les Français se sentaient absolument livrés aux organisateurs mongols. On ne pouvait rien voir de ce qu'on aurait voulu voir. On savait qu'il y avait tel temple à 20 km et il était hors de question d'y aller parce qu'il fallait suivre le flot, les Mongols qui guidaient, sans ça on était perdus. Hein. Et donc c'est eux qui décidaient absolument de tout. C'était exaspérant au fond. Maintenant que j'y pense. Et vous n'avez pas regretté de ne pas finir le voyage ? Sur le moment, je crois que j'ai trouvé ça libérateur parce que, comme je vous disais, j'étais très fatigué par cette année de mongolitude. Là, je n'avais pas la résistance et la bonne humeur des autres Français. J'étais beaucoup plus vite, je pense, exaspéré. Enfin, de toute façon, il fallait quelqu'un avec Bertrand, ça c'est sûr. J'imagine, Michel Jean, que vous aviez envie de recueillir des témoignages, de parler avec les Mongols de ce qui était en train d'advenir au moment même où vous voyagez, de ce changement de régime, de cet effacement annoncé de l'Union soviétique et de son influence dans la région. Est-ce que vous avez réussi à avoir ces discussions ? Non, ces objectifs, si on en avait d'ailleurs, ne pouvaient pas être accomplis tout simplement parce qu'il y a eu un problème de langue. Le seul lien qu'il y avait, le lien linguistique, c'était avec l'interprète, Erold, un jeune garçon tout à fait agréable et qui était tout à fait serviable, très ouvert, mais lui-même très marqué par une culture européenne, avait des difficultés à passer des questions, par exemple d'ordre politique sur l'évolution des choses, parce qu'il y avait une grande réticence de la part des principaux interlocuteurs à se livrer sur ce sujet. Je rappelle que c'était une période de transition et très délicate, non seulement vis-à-vis de ceux qui avaient la nostalgie de ce qui allait disparaître, mais également à l'égard de ceux qui pouvaient espérer qu'il y ait une évolution. C'est pour ça d'ailleurs qu'au bout d'un certain temps, un temps assez long, j'ai souhaité quitter l'expédition pour avoir quelques jours à Oulan-Bator pour me rendre compte de ce qui pouvait se passer et comment évoluer les choses. Auprès de particuliers, j'ai pu avoir des confidences, des expressions très libres sur leur espoir de voir le pays s'ouvrir, mais il y avait également une méfiance sur ce qui pouvait advenir du fait que la Russie, l'Union soviétique encore, je répète, n'était pas en mesure de continuer à les aider, puisqu'il y avait également des problèmes économiques et financiers en URSS, et à l'inverse, une abondance de demandes de pays qui auraient pu prendre un petit peu plus de liberté sur l'économie mongole. Donc c'était à la fois un espoir et une crainte. Les derniers kilomètres, on les a fait, on était moins nombreux pour le faire, mais on est allé jusqu'au bout. Et aujourd'hui, Benoît Gaillet. Je pense qu'on a eu raison de faire ça, parce que si on n'avait pas été jusqu'au bout, replanter le drapeau au milieu de Karakorum, on n'aurait pas été satisfait de l'objectif que nous étions fixés préalablement. Donc voilà, après tout ça, ça a été oublié, et puis ça s'est traduit à travers les documents, les expos photos, etc. Qui a arrêté le voyage en cours de route ? Jacques Chab, Felipe Martinez, René Capler, Roland Michaud, fatigué, Notre ami Bertrand Langlois, mais lui, parce qu'il a fait une chute de cheval, alors que c'était sans doute le meilleur. C'était pas sans doute, c'était sûr, c'était le meilleur cavalier de l'équipe. Mais voilà, aujourd'hui, je pense que notre fierté, aussi bien pour les Mongols que pour nous, puisque à l'arrivée, la presse mongole était là, il y a eu des conférences de presse à Ulaanbaatar, on a eu des articles, on a fait des reçus sur les plateaux télé, donc ça a été un événement quand même. C'était pas un voyage où on découvrait la Mongolie au sens où un voyage organisé vous ferait découvrir la Mongolie, vous ferait arrêter chez les Mongols, ferait semblant de vous faire dialoguer, semblant ou pas, dialoguer avec des vrais Mongols, vous emmènerait dans les temples ceci, les temples cela. Non, ce voyage-là n'était pas du tout comme ça. Et donc, le voyage a manqué toute une série de choses de la réalité mongole. C'était assez frustrant, oui, ça c'est sûr. En même temps, c'était une espèce d'épreuve plus réelle que les voyages organisés. Plus complexe, moins souple, moins lisse. Merci à Felipe Martinez, François Jacquesson, Michel Jean, Jacques Chahab, Pierre Létang, Bertrand Langlois, René Capler, Benoît Gaillet, Roland Michaud, Alain Déjac, Michel Marchal et Patrick Alix. Et pour l'équipe mongole de cette même expédition, Myangran Tseven, Romb, Abirmet, Botbater, Davadorch, Dorch Suren, Gerult, Amartzeya, Dombodjav, Kench Yachav, Dava. Prise de son, Jacques Hubert et Élise Le. Mixage, Bruno Mourlan. Voyage en Mongolie, Le Moine, Les Cavaliers et le Soviet. Anaïs Quien, Anne Fleury. Demain, nous filons encore ce thème des explorateurs, thème partagé par beaucoup d'émissions de France Culture pendant cette semaine. En nous intéressant à une exploration tout à fait nationale, nous partirons pour le village de Minot en Côte d'Or, là où sont partis également dans les années 60 et 70 quatre anthropologues, élèves de Claude Lévi-Strauss et d'Isaac Kiva.